J'ai entendu dire qu'on allait avoir une augmentation. Ça m'étonnerait. Vous connaissez le patron? Oui, mais on dit qu'en ce moment, il est de très bonne humeur. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe?